Se faire fumer sous la neige, c'est ça un fait divers. Demande aux darons, la pauvreté n'est pas héréditaire. J'tisse plus d'alcool, mais j'ai des problèmes de foie. J'roule à fond sur le pont de l'Alma, Lady Diana. Fini la pénurie, y'a Heja ou y'a Foy. Méfie-toi de certains straps qui cachent leurs jeux comme des Lady Boy. Ma voiture est allemande comme le nouveau maillot d'Aubameyang. CDC, beaucoup l'attendent. Mon placard était vide, qui aurait cru que 20 ans plus tard j'aurais des excès de bagages. Ils ont la rage, ici c'est Bagdad, j'mets tout le monde d'accord. Mon album fait plaisir comme un Harki mort. J'parle pas beaucoup, j'préfère agir. Et si tu veux ma peau, faut te lever tôt comme pour le Fagir. J'ai des gens qui travaillent pour des gens qui travaillent pour moi. Et si tu finis à l'hosto, c'est qu'on est resté courtois. Tester pourquoi, rien n'a changé à part le nouveau modèle de ma turvoie. Fuck leur loi, ici c'est fouine là. Entre eux et nous y'a rien à voir, on dit ta mère et on sort en provisoire. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots, ouais, on veut des. J'ai lots. De la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots, ouais, on veut des. J'ai lots. De la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. Tu veux tester ma clique, arrête. L'état c'est Mirador, le bon Dieu a ses minarets. J'fais mal comme une césarienne, à ce qu'il paraît. J'rappe terre à la maison d'arrêt, va le dire au grand. J'ai du cran et un cran d'arrêt. J'suis libérable, ramène de la chienne et de la jaune. Ah, j'aime pas de la com, j'partirai comme une icône, boy. La rue me suit depuis ma première gorgée. Depuis j'ai touché l'or, c'est pour les écorchés qui mangent égorgés. Voilà un son, pas pour les pisseuses. 7-8, Funny Baby, aka mangeur de pierres précieuses. La banlieue sale ne ramasse pas le savon. J'suis dans les airs en première, toi t'es en mode avion. J'fais de la télé, du rap, des sapes et du cinéma. J'ai aucun diplôme, j'ai juste cassé des Neyman. Martin Luther, c'est pour les refs, j'ai fait un rêve. J'avais du sang de keuf sur ma DB9, toute neuve. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots, ouais, on veut des. J'ai lots. De la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots, ouais, on veut des. J'ai lots. De la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. J'ai plastifié le game, foutu le rap à 4 pattes. Il me reste un peu de C4 et c'est des C4. On fait des trucs de ouf, les keufs à nos trousses. En 22 pouces, signe des contrats sans trousses. Et si on plombe l'ambiance, c'est pas un jeu de mots, y'aura des décès. J'rappe depuis le secteur A, frère, mafia tressée. Depuis le début, les rôles à poisse me follow sur mon polo. Le double G, gros, fort mon logo. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots, ouais, on veut des. J'ai lots. De la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. J'ai de la fraîche pour les frères, pas besoin de trône. On fuck leur pyramide, on veut des lots, ouais, on veut des. J'ai lots. De la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles. Fuck leur pyramide, on veut des lots, ouais, on veut des. J'ai lots. De la fraîche pour les frères, mon avocat, mon seul guide. Les frères sont libérables après des siècles.